Cisco Art Production. Allô? Rodi? J'en ai marre. Le gars n'arrête pas de me battre. Calme-toi, j'arrive. Yao yo, Techno Mike Hagenon. Il touche à la princesse de l'éternel. Tu perds la tête, Cocolobino. Yao yao, boom. Don't touch my sister. Don't touch my sister. If you don't want the fire burn ya, Holy Ghost fire burn ya. Don't touch my sister. Don't touch my sister. If you don't want the fire burn ya, Holy Ghost fire burn ya. Durant le temps des fiançailles, elle avait déjà remarqué que c'est un gars nerveux qui a du mal à se contrôler. Elle n'oubliera jamais l'épisode où la propre mère du mec l'avait replié, où il a tenté de la bousculer. À plusieurs reprises, cet épisode s'est répété. Elle s'est dit que peut-être un jour il allait changer. Malheureusement, de mieux en mieux, elle le connaissait. Et de plus en plus, elle voyait que lui, ce mal était ancré. De tolérance en tolérance, fini la vigilance. Et lui demande un mariage et boum, bonjour la souffrance. Beau gosse, riche, clean, gentil, bien habillé, se transformé en grizzly enragé. Don't touch my sister. Don't touch my sister. If you don't want the fire burn ya, Holy Ghost fire burn ya. Don't touch my sister. Don't touch my sister. If you don't want the fire burn ya, Holy Ghost fire burn ya. Mon, lorsque tu rencontres la sister, tu lui dis comment ça va. Elle répond ça va va va va va va. Mais il y a une chose qu'elle dit pas, c'est que chaque jour que Dieu fait son joli mari là-bas. Ba ba ba. Lorsque tu rencontres la sister, tu lui dis comment ça va. Elle répond ça va va va va va va. Mais il y a une chose qu'elle dit pas, c'est que chaque jour que Dieu fait son joli mari là-bas. Ba ba ba. Et lorsque tu rencontres son gentil petit mari, toujours il sourit, te parle même de Jésus-Christ. Tu t'imagines pas dans cette gare comme ça. Et moi je lui dis man, tu arrêtes ça. Ouais, na na na na. Don't touch my sister. Don't touch my sister. If you don't want the fire burn ya, Holy Ghost fire burn ya. Don't touch my sister. Subissent la violence conjugale sans rien dire, elles supportent par fierté. Parfois même devant leurs enfants, elles subissent. Mais ma soeur, faut que tu parles afin que ça stoppe. Et toi là mon gars, t'es qu'un lâche, faut que t'arrêtes ça, ok? Quand une grigne va mon concabrité, ouais, pis ça. You want to stop her, did you will love God? Because the girl is a princess of God, princess of God. Never, never punch her again. The girl is jewel of God, jewel of God. Never, never punch her again. Don't touch my sister. Don't touch my sister. If you don't want the fire burn ya, Holy Ghost fire burn ya. Don't touch my sister. Don't touch my sister. If you don't want the fire burn ya, Holy Ghost fire burn ya. Mon, lorsque tu rencontres la sister, tu lui dis comment ça va. Elle répond ça va va va va va va. Mais il y a une chose qu'elle dit pas, c'est que chaque jour que Dieu fait son joli mari là-bas. Ba ba ba. Lorsque tu rencontres la sister, tu lui dis comment ça va.